Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux de s'arrêter et de méditer ta parole. C'est notre seule source d'information sur toi et ton Fils, sur ton plan, sur l'avenir de ton peuple qui est l'Église. Aide-nous à bien comprendre cette justice que tu nous as accordée par la foi, sans les œuvres de la loi. Et en même temps qu'on en comprenne les conséquences dans notre vie de cette justice par la foi. Aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, durant la soirée qui s'en vient. Donc, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Dans nos trois premiers chapitres, l'apôtre Paul nous a démontré la condamnation de tous les hommes. Tous sont sous l'empire du péché et tous sont morts à cause de leur péché. Et on a vu qu'il n'y avait pas un seul, aucune personne, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tous sont condamnés par le péché. Puis à partir de ce moment-là, l'auteur va nous dire, malgré que c'est très noir la position de l'être humain, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va présenter l'Évangile et le moyen d'être justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et dans tous les mouvements religieux, surtout chez les Juifs aussi, mais dans tous les mouvements religieux, il y a des règles, des formes, ou des principes, ou des préceptes, ou des commandements à suivre pour obtenir une certaine forme de sainteté ou de justice. Donc, la foi chrétienne, elle est très unique dans ce sens-là qu'elle est la seule qui offre un salut par grâce. Uh-huh. Elle est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est... Et l'apôtre Paul, on a vu que pour démontrer cela, il est allé chercher deux ancêtres, deux hommes bien vus dans l'Ancien Testament. Il est allé chercher Abraham et Moïse et David. Pour démontrer que ces deux hommes-là ont été justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, c'est important qu'on comprenne bien ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà là dans l'Ancien Testament. Donc, la loi n'a jamais été donnée pour se justifier, mais pour nous aider à comprendre qu'on devait être justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et au chapitre 5, l'auteur nous a dit que on était, comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit qu'on avait, on se glorifiait même des difficultés parce que les difficultés nous aident finalement à persévérer jusqu'à la fin pour être avec Dieu dans sa gloire. Au chapitre 6, on a commencé à voir, la dernière fois qu'on s'est parlé, il dit, on avait vu au chapitre 5 à la fin, que la loi avait été donnée afin que l'offense abonde. Et non pas pour se justifier, mais pour que la loi abonde. La loi n'a jamais aidé les gens à faire moins de péchés. Au contraire, elle a fait abonder le péché. Et lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, on a vu que la loi ne peut pas nous servir pour la justification, parce qu'au contraire, elle fait abonder l'offense. Et toute la loi nous montre le moyen par lequel on va être justifié par la foi dans le sacrifice que Dieu va pourvoir. Hein, on se souvient qu'on a vu que la loi nous a montré qu'on était séparés de Dieu, qu'il y avait une brebis qui serait morte, qu'on avait besoin d'un grand prêtre qui rentrait pour nous dans la présence de Dieu. La loi ne nous avait pas juste dit qu'on était des pécheurs, mais toutes les implications du péché dans notre vie. Et le moyen d'être justifié sans la loi comme telle. Au chapitre 6, Paul a commencé en disant, « Si la grâce surabonde quand le péché abonde, est-ce qu'on devrait pécher pour que la grâce surabonde? » Et la réponse de Paul, c'était « Au grand jamais, au grand jamais. » Parce qu'il dit, « Vu que vous êtes morts et ressuscités avec le Christ, vous ne pouvez pas vous lancer dans le péché pour que la grâce surabonde. Vous seriez contre nature. Vous iriez contre votre propre nature. Parce que vous êtes revenu à la vie et c'est pour Dieu que vous vivez. Donc, vous ne pouvez pas dire maintenant, « Oh, on va vivre dans le péché avec la grâce surabonde. » Ça serait idiot de penser ça. Et ce soir, on va avoir une autre question, parce qu'il avait terminé au verset 14. Il dit, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, quand on dit que le péché n'a pas de pouvoir, c'est le pouvoir de nous faire mourir. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il n'y a pas des tentations dans notre vie et qu'on pêche, mais il n'y a pas de pouvoir de nous faire mourir et de nous emmener à le servir encore une fois. Mais en terminant, il va soulever une question. Est-ce que si on n'est pas sous la loi, on peut pécher tant qu'on veut? On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Et vu que sous la grâce, tous nos péchés sont pardonnés, est-ce qu'on va pécher parce qu'on est sous la grâce ou qu'on n'est pas sous la loi? Et l'apôtre Paul va nous dire encore une fois, bien non, à toutes les questions hypothétiques qu'il pose, la réponse est toujours non. À toutes les questions qu'il a posées et qu'il va poser encore, la réponse est toujours non, il ne veut pas cela. C'est la tendance. Quand il n'y a pas de loi, la tendance, ou je devrais dire, s'il n'y a pas de conséquences aux mauvaises actions ou aux péchés, la tendance, c'est devenir indifférent. Il n'y a pas de conséquences, donc pourquoi est-ce qu'on se priverait? Pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas dans le péché et qu'on n'adhérerait pas au péché? S'il n'y a pas de conséquences à nos actions. Et on va voir que l'apôtre Paul va donner, la réponse va être non, mais il va donner un argument, une raison pourquoi le chrétien ou celui qui est justifié par la foi sans les œuvres ou qui n'est plus sous la loi ne voudra jamais aller vers le péché. Parce que c'est quelque chose qui doit comprendre, parce que quand on se donne à quelqu'un, on en vient esclave. Donc, on va essayer de comprendre ça ensemble. OK, le verset 14, et on va lire jusqu'au verset 23. Verset 14, on l'a fait. C'est verset 15. On va passer avec Isabelle, Daniel, Patrick. Pas donc. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Les fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, l'apôtre Paul donne tout cet argument à quelqu'un qui poserait la question, vu que nous ne sommes plus sous la loi, est-ce qu'on peut maintenant se livrer au péché ou se donner au péché ou décider d'obéir au péché? Il faut bien le comprendre ici. L'auteur n'est pas en train de nous parler de la sanctification. Il est en train de nous parler de la justification. Sans ça, on va partir avec l'idée et on va avoir de la misère à comprendre. Parce qu'on va avoir de la misère à comprendre obéir à un, obéir à l'autre. Puis là, les conséquences dans la vie des personnes. Mais il dit, celui d'entre vous qui dirait, vu qu'on n'est pas sous la loi, nous allons pécher, nous allons nous donner au péché, ben j'ai une petite surprise pour vous. Surprise pour vous. Oui, Daniel. Daniel, oui, c'est ça. Oui. Quand on dit on va se donner au péché ou on va se livrer au péché, qu'est-ce qu'on entend? C'est ce qu'on va voir, moi, Daniel. Oh. OK? Donc, nous au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, nous, pour nous autres, les termes d'esclavage, hein, on ne connaît pas tellement ça. Donc, si tu te livres, si un homme ou une femme, vous savez que c'était la coutume au temps de l'Ancien Testament et au temps de Jésus, quelqu'un qui, mettons, était endetté ou ce qui devait de l'argent, pouvait se livrer comme esclave à son créancier pour un certain temps pour payer sa dette. Intéressant. Okay, donc, se livrer à, si je me livre à quelqu'un, parce que c'est ce qu'il dit verset 16, comme esclave, si je me donne, si je te dis, Daniel, je vais être ton esclave à partir d'aujourd'hui, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, automatiquement, je vais devoir t'obéir. Je me suis donné à toi comme esclave. Donc, je vais t'obéir. Mm-hmm. Donc, il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous vous livrez à quelqu'un pour devenir son esclave, donc pour lui obéir. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Donc, si je me livre à quelqu'un comme esclave, c'est certain que je vais, c'est-à-dire, tu peux me dire ce que tu veux, je vais le faire. Je suis ton esclave. Je ne deviens pas ton esclave pour être ton conseiller. Mm-hmm. Hein? Ou pour te dire quoi faire. Je deviens ton esclave pour pouvoir t'obéir. C'est ça la nature d'un esclave. Il va obéir à. Donc, si vous dites, on va se livrer au péché parce qu'on n'est plus sous la loi, ben vous allez être de ceux qui vont obéir au péché. Pas à des péchés, mais au péché. Mm-hmm. Okay? Le péché ici, c'est, on va voir, ça va être le contraire de la justice. Ça va être le contraire de Dieu, ou d'obéir à Dieu comme tel. Donc, se livrer, là, c'est se donner totalement, se mettre au service. Oui, Jésus s'est livré à la mort. OK, donc, c'est un terme très fort que tu n'es plus maître de toi-même si tu te livres à quelqu'un ou à quelque chose. Soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Voyez-vous donc, il dit, tu vas te livrer à un ou l'autre. Si tu te livres au péché, parce que pas sous la loi, c'est toujours ça, là. Tu te livres au péché parce que tu dis, je ne suis pas sous la loi. Donc, automatiquement, hein, tu vas devenir obéir au péché ou tu vas te livrer à l'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Se livrer à l'obéissance qui conduit à la justice. De quoi est-ce qu'il parle? Se livrer à l'obéissance. Parce que nous, on est déjà juste par la foi sans les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire si soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Là, on a dit, voyons, on est-tu juste ou on n'est pas juste? Le début du sujet, il dit, excusez-moi, le verset 16, il dit, ça ne savez-vous pas qu'en livrant en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Mm-hmm. Donc, fait que il parle d'obéissance ici, soit que j'obéis au péché ou j'obéis à Dieu, je ne sais pas. Là. OK. Parce qu'il dit, j'ai un choix, tu dois te livrer à quelqu'un. Oui, c'est ça. Livre-toi au péché ou l'autre, c'est à l'obéissance. À l'obéissance. Ici, c'est ce qui est mis en parallèle. Mm-hmm. Mm-hmm. L'obéissance ici, ce n'est pas obéir au commandement de Dieu. Non. Je me demande si ce ne serait pas l'obéissance que Christ a faite. Christ a obéi à son Père, ben, je veux dire, parfaitement. L'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce qui va nous conduire à la justice? Si j'obéis à quoi, est-ce que je vais être conduit à la justice? À la foi. À la foi, voilà. Ouais. À la foi. Il l'avait dit au chapitre 1, il était là pour aider les gens à obéir à la foi. L'obéissance de la foi. Ouais. Puis un peu plus bas, il va dire, au verset, là, pour qu'on comprenne bien, vous voyez que je ne sors pas trop de mon texte. Il dit, au verset 17, hein, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à l'Évangile, dans lequel vous avez été instruit. Mm-hmm. On vous a présenté l'Évangile et vous lui avez obéi. » C'est rare qu'on emploie le mot « obéissance » pour l'Évangile ou la foi. Mm-hmm. Mais ici, dans Romains, c'est ce qu'il fait. J'aime le terme, mm-hmm. parce que c'est pas juste « je crois », parce que des fois, ça devient un peu... c'est un mot qu'on emploie tellement souvent. C'est tellement souvent que... Neutre. On en perd un petit peu le sens profond. Là. Mm-hmm. Ça passe pas à l'action. Ça, ben, c'est comme... C'est flou. Ouais, c'est ça. C'est pas inactif, mais le contraire de pas bouger, comme Isabelle a dit. Oui. Souvent, c'est que... obéir, c'est que j'ai eu un appel qui dit « Repens-toi et crois. » Et j'obéis. Mm-hmm. Donc, j'obéis. Nous, on dirait « je crois », mais le mot « croire », nous, on a quasiment l'impression que c'est plutôt une espèce de sentiment. Là, L'autre, c'est « j'ai obéi à l'appel que j'ai reçu. Repens-toi et crois au Seigneur Jésus. » Donc, quand il dit « vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Donc, ça serait le contraire d'obéir à la foi. Oui, parce que le péché, quand est-ce qu'on est devenu esclave du péché? C'est en Adam. Mm-hmm. Oui. On l'a vu au chapitre 1, 2, 3. C'est en Adam qu'on est venu. Au chapitre 5 aussi, on a parlé que c'est en Adam qu'on est devenu pécheur. Donc, on nous a dit, mange de l'arbre et tu ne mourras pas, mais tu vas vivre. Et on a obéi, on s'est livré à. Ah. On s'est livré à, et on est devenu, mais on a obéi à Satan par après. OK? Mais l'Évangile nous est présenté, puis on a obéi. Oui, Daniel? Parce qu'à 15, il pose la question, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est pas évident. Parce qu'il dit, il avait dit, vous êtes plus sous la loi. Dans son argument avant, l'argument c'était, est-ce qu'on va pécher afin que la grâce surabonde? Il dit non. Mm-hmm. OK? Non. Parce que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la loi. S'étant unis au Christ dans la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Oui, ça, ça on comprend. N'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, on est maintenant avec le Christ. Et étant déjà mort, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. On va le revoir au chapitre 7, le même argument avec la femme qui elle est liée par la loi tant que son mari n'est pas mort. Et quand le mari est mort, elle n'est plus sous la loi, donc elle peut se remarier. Nous, on est, la loi nous condamnait, mais vu qu'on est mort en Christ, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. OK, oui. Tant qu'on n'a pas été en Christ, la loi avait le pouvoir sur nous. Maintenant qu'on est en Christ, la loi ou le péché n'a plus de pouvoir. Parce, pourquoi qu'on n'a plus de pouvoir? C'est parce qu'on n'est plus sous la loi. Si je suis encore sous la loi, le péché a encore du pouvoir sur moi. Mm-hmm. N'étant plus sous la loi, le péché n'a plus de pouvoir. Donc, il dit, le gars, il dit, « Yes, je ne suis plus sous la loi. » Est-ce qu'on pourrait maintenant dire, vu qu'on n'est plus sous la loi et que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, est-ce qu'on pourrait maintenant dire, ben, on va pécher? On va pécher. C'est certain qu'on ne mourra pas, on n'est plus sous la loi. Mais il dit, tu ne peux pas faire ça. Parce que le principe de base, c'est celui à qui tu te livres, tu deviens son esclave. Donc, est-ce que tu te livres au péché? Avant ça, tu étais au péché. Maintenant, quand tu as décidé d'obéir à la doctrine ou à la règle de doctrine ou à l'évangile qui t'était présenté, tu es devenu esclave de Dieu. Tu es devenu obéissant à la justice ou tu es devenu esclave de Dieu. Tu as fait ton choix. Oui, tu as fait ton choix au début de ta vie chrétienne. Tu peux, parce que ça rejoint le principe que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu, chapitre 6. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ah, vous êtes tous des bons. Tu ne peux pas servir deux maîtres. À la fois. Tu ne peux pas dire, je suis maintenant esclave de Dieu, je suis mort avec Christ, je vis avec Christ, je vis pour Dieu, je suis esclave. Même temps, je vais être esclave du péché. Tu ne peux pas. Si tu es esclave du péché, c'est la mort. Si tu es esclave de Dieu ou de la justice, tu vas avoir la vie. C'est un ou l'autre. C'est ça. Choisis la vie. Parce qu'on a tendance à voir que... Bon, en tout cas, on a tendance à comprendre que c'est pas que je ne fais plus de péché de tous les jours là, qu'on parle. C'est ça, l'auteur parle ici. L'auteur est toujours dans l'idée de la justification. Si j'oublie ça et que je m'en vais vers la sanctification, là, j'ai un problème. Parce que là, je dis, à chaque fois que je fais des péchés, je devrais mourir, j'étais encore son esclave. C'est quoi la fin? Dans Galates, quand il dit ceux qui pratiquent le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est ceux qui pratiquent qui veulent utiliser la chair comme moyen de justification n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que dans le contexte, c'est ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas. Parce qu'ils veulent, dans Galates 6, ils veulent utiliser la chair comme moyen de justification. Et la chair, tout ce qu'elle peut faire, c'est des péchés. Ou elle, la chair pratique le péché. Donc, parce qu'elle fait juste ça. Nous... Oui, Isabelle? Parce que Paul, dans Galates, justement, il reprend les chrétiens, ils veulent retourner à la loi. Oui. Et c'est ça le contexte. Ils veulent ajouter à la grâce la loi. Ils veulent garder la grâce, mais ils veulent aussi ajouter la circoncision. Okay. Ou la loi, la pratique de certaines lois. Paul dit, si vous voulez retourner à la chair pour vous justifier, la chair fait juste des péchés, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais si je garde bien les textes, comme dans Galates, il est en train de parler à des croyants qui veulent rajouter les œuvres comme moyen de justification, là, on peut bien appliquer le texte. Si je vais dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, et qu'on parle encore de la sanctification, on parle encore de Juifs qui veulent retourner au temple pour être justifiés. On ne parle pas ici, dans ces deux livres-là de la Bible, on ne parle pas de sanctification du chrétien qui va faire de moins en moins de péchés. On est en train de s'adresser à des gens qui veulent ajouter à la foi, certaines œuvres pour obtenir une justification. Dans ce temps-là, l'auteur parle de la pratique des œuvres, aux pratiques de la loi, aux pratiques du péché. Et là, il dit, tu ne pourras pas être sauvé parce que tu pratiques le péché, parce que si tu vas à la chair, tout ce qu'elle fait, c'est pratiquer le péché. Tu ne peux pas prendre un moyen pour te justifier qui pratique juste le péché. Ça serait idiot. Si je veux flotter dans l'eau et je m'attache à un bloc de béton, ben c'est sûr que je vais couler. Je ne prends pas le bon moyen. Je devrais prendre une pneumatique, là, un pneu, pour pouvoir... Là, ça va m'aider à ne pas me noyer. Mais si tu prends la loi ou la chair comme moyen de justification, tu vas couler. Tu vas couler. Donc, ici, dans notre texte, l'auteur est en train de dire, tu ne peux pas dire qu'à cause que tu n'es pas sous la loi, que tu peux pratiquer le péché ou que tu vas te livrer au péché pour lui obéir. Délibérément, tu dis, vu que je ne suis pas sous la loi, je me livre au péché et je vis une vie de péché. Il dit, si tu fais ça, ça va aller vers la mort. Mm-hmm. OK? Mais si, de ton plein gré, de ta décision, tu décides d'obéir à la justice ou d'obéir à la doctrine ou à l'Évangile, tu vas vivre, tu vas avoir la justice comme résultat, et tu vas vivre, tu ne donnes pas la mort, mais tu vas avoir la vie. Yes. OK? Dans laquelle vous avez été instruits, au verset 18. Ayant été affranchi du péché, voyez-vous là, affranchi du péché. Comment est-ce qu'on a été affranchi du péché? Par la foi, par la justification. Oui, essayons de garder les termes du texte autant que possible. Ayant été affranchi du péché. Affranchi, ça veut dire on était racheté. Racheté. Libéré. Ouais. C'est au verset 17. Grâce soit rendue à Dieu après avoir été esclave du péché. Donc, là, vous avez été affranchi. Comment vous avez été affranchi? En obéissant de cœur à la règle de doctrine. Donc, j'ai été affranchi parce que j'ai obéi à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. J'ai obéi à l'Évangile. Par la foi, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai été affranchi. OK? J'ai été affranchi. Donc, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, cette fois-là, vous vous êtes livré à la justice. Vous avez décidé d'obéir. Et vous vous êtes livré à l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, j'ai décidé de me livrer à l'obéissance envers Dieu ou à l'Évangile ou à la foi. Ça m'a affranchi. Donc, notre maître, c'est plus le péché, c'est la justice. C'est la justice, ou c'est Dieu, ou c'est Jésus-Christ, c'est on va Dieu. Le voir ensemble. OK? Vous êtes esclave maintenant de la justice, et non pas du péché. Ça ne veut pas dire que je suis un esclave, et là, je ne ferai plus jamais de péché. Parce que la justice, ici dans notre texte, ne parle pas est-ce que je vais être capable de faire des péchés ou pas, mais est-ce que j'ai été justifié ou pas? OK? Je suis esclave de la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc, je suis esclave de cette justice-là que j'ai obtenue par la foi en Jésus-Christ. OK? Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Qu'est-ce qui t'est en train de raboter là? Je me pose la question souvent. Parce que là, est-ce que... C'est comme s'il disait, vous êtes encore des enfants, fait que faut que je parle, faut que je baisse à votre niveau jusqu'à un certain point. Là. T'as raison, Patrick, t'as raison. Je crois que c'est ça qu'il est en train de parler. Vu que vous manquez de connaissances, de compréhension, je parle encore comme si je m'adressais à des nouveaux qui commencent. Pourtant, ça fait longtemps qu'il y a une église, là. OK? Mais je prends des exemples humaines du quotidien pour vous faire comprendre des grandes vérités théologiques. OK? On fait la même chose avec des enfants. Un enfant, plus il est jeune, on va prendre des petites histoires très simples, souvent pour faire comprendre des grands principes de vie. Mais on va le dire, vu que tu es encore un enfant, je prends des petites histoires. C'est pour ça qu'il prend les termes esclaves. Et esclave du péché, puis esclave. Oui, il a pris il a pris le quotidien de l'esclavage. Oui, ce qui était commun dans ce temps-là. Ouais, voilà, donc il dit, vous comprenez le principe de l'esclavage. Hein? Vous comprenez ça. Vous en vivez à tous les jours. Peut-être certains d'entre vous avaient été esclaves. Peut-être certains d'entre vous ont été affranchis. Peut-être certains d'entre vous ont décidé de se donner en esclavage pour payer une dette pendant 6 ans ou 7 ans, comme faisaient chez les Juifs souvent. Donc, vous comprenez bien. Donc, j'ai pris un langage de la rue, un langage quotidien, pour vous aider à comprendre ce grand principe-là. Ce n'est pas à cause qu'on n'est pas sous la loi qu'on peut se livrer à quelque chose, ici au péché comme tel. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous auriez dû comprendre ça. Hein? Donc, mais j'ai pris un langage d'esclave pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous livrer au péché à cause que vous n'êtes plus sous la loi. Donc, c'est le principe de base. Si tu te livres à quelqu'un ou à quelque chose, tu en deviens son esclave. Et tu es obligé de lui obéir. Donc, nous avons décidé de devenir esclaves de la justice et non pas de devenir esclaves du péché. Donc, on garde cette décision-là. Au verset 19, « De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » C'est un petit peu, des fois, les termes, les phrases sont une petite tournure qui, des fois, ils peuvent nous compliquer l'idée. Ambigu, ouais, c'est... OK. Il dit, de même, ça veut dire, comme avant, hein, de même, vous avez livré vos membres à l'esclavage, quand vous étiez livré au péché, quand vous étiez esclave du péché, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous viviez? Vous utilisez votre vie, vos membres, et vous étiez esclave du péché, donc vous avez quoi, ce que c'est? Vous avez vécu dans l'impureté et dans l'iniquité pour arriver au péché ou à la mort ou à la destruction ou l'iniquité. Votre vie démontrait que vous étiez esclave du péché. Comment vous allez traduire les mots l'iniquité pour arriver à l'iniquité? Pour moi, ça, c'est pour arriver à la mort, pour arriver à être comme celui à qui vous étiez esclave. Parce qu'on était esclave du péché, donc on est devenu comme lui. On est devenu inique comme lui. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pas la sanctification, ça, là? Non, monsieur. Le challenge à soir, François. Je l'ai encore, celui-là. il dit, première des choses, il dit, vous vous êtes mis au service de, pour arriver à, il dit de même, faites la même chose. Oui. Vous êtes maintenant esclave de la justice, donc esclave de Christ, mettez vos membres, votre corps, mettez-vous au service de. Ici, le mot là, iniquité à la fin, pour arriver à l'iniquité ou pour arriver à la sainteté, c'est l'aboutissement de cela. Okay? L'aboutissement final de ceux qui livrent leur membre à l'iniquité, ils vont arriver à l'iniquité à la fin. Ceux qui livrent leur membre maintenant comme esclaves à la justice vont arriver à la fin à la sainteté parfaite en Christ, en Dieu. À la fin. Okay? Donc, c'est pas qu'ils vont devenir de plus en plus saints, non. Mais ils vont arriver à la fin à la sainteté, parfaite en Dieu, ou avec Dieu. Parce que là, il parle, pendant un temps de votre vie, vous avez utilisé votre vie, vos richesses, vos dons, vos talents, tout ce que vous étiez, pour servir le maître à laquelle vous avez obéi, qui était le péché. Et la fin de cela, c'est la mort, l'iniquité, l'enfer. L'iniquité et la sainteté, c'est l'aboutissement d'eux. Donc, pendant que vous étiez esclave du péché, ça se manifestait dans votre vie. Oui. Maintenant que vous êtes devenu esclave de la justice, ça va se manifester aussi dans votre vie. Absolument. Voyez-vous, c'est le résultat de, c'est pas pour arriver à, c'est le résultat de. Vous étiez esclave, vous avez fait ceci, et la finalité, c'est cela. Maintenant, vous êtes devenu esclave de la justice, vous allez vivre comme cela, et la finalité de cela, c'est la sainteté avec Dieu dans l'éternité. Donc, puis quand il dit « Ainsi maintenant, livrez vos membres », dans le fond, c'est toute une expression pour dire notre être. Oui, c'est ça, votre être, ce que vous êtes. Pour servir Dieu. Notre vie. On l'avait vu la même chose au chapitre 6, dans les débuts, quand il avait dit « Vous êtes ressuscité à Christ afin de vivre avec Christ pour Dieu. » Donc, c'est la même idée ici. C'est parce qu'il est en train de répondre à l'argument « Tu ne peux pas, pendant que tu es devenu l'esclave de quelqu'un, décider d'obéir à un autre que ton maître. » Tu ne peux pas dire « Ben, je suis devenu l'esclave de Patrick. » Et Patrick me demande quelque chose, il dit « Attends, attends Patrick, parce que Isabelle m'a demandé de faire de quoi aujourd'hui? Mm-hmm. Hey, hey, hey, hey! C'est moi ton maître, là! C'est moi ton maître! Tu ne peux pas aller... Tu sais que tu as d'affaires à obéir à Isabelle. C'est moi ton maître ici, là! » Voyez-vous la question? Comment pourrais-tu dire que tu vas te livrer au péché parce que tu n'es pas sous la loi quand tu as pris un autre maître? Tu as pris un autre maître. Et l'autre maître que tu as pris, c'est la justice. C'est l'obéissance à la justice. Ouais. C'est la vérité. Mm. Ce qu'il dit au verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Vous étiez libres de faire ce que la... Vous n'étiez pas obligés d'obéir à la justice. Vous n'étiez pas soumis à la justice. Vous étiez esclave du péché. Donc, vous vous foutiez gros comme la gueule de la justice. OK, Dieu pouvait dire n'importe quoi, demander n'importe quoi. On s'en foutait comme l'an 40. Mon maître, c'était le péché. Est-ce que vous suiviez bien le raisonnement de Paul? Là? Oui, oui, absolument. Donc, il dit, de qui tu es esclave? Pendant que tu es esclave d'un, tu ne peux pas décider d'obéir à un autre. C'est ça, ouais. Fais ton choix. Et toi, vu que tu as obéi à la règle de doctrine, de plein cœur, de pleine volonté, tu ne peux pas dire maintenant, je vais obéir au péché parce que je suis plus sous la loi. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire ça. Non. La question qu'on va se poser, qu'on va voir s'en allant, c'est comment, qu'est-ce que nos membres vont faire pendant qu'ils sont livrés à la justice? Qu'est-ce que notre corps faisait ou nos membres faisaient pendant qu'ils étaient livrés au péché? Hey, c'était cette question-là que j'avais dans la tête. C'est pour ça que... est-ce que là, je parle de sanctification? Non. OK? Mais des fois, vu qu'on pense que se livrer au péché, c'était de désobéir au commandement, donc me livrer à la justice, c'est de commencer à obéir au commandement. On met le contraire. Mais je me suis livré au péché bien avant que la loi existe. Oui. Je me suis livré au péché. Puis comment ça se manifestait, ça? C'est pas que je... Des fois, je désobéissais aux 10 commandements. C'est que j'étais en rébellion pure et dure contre Dieu. Je ne voulais pas Dieu dans ma vie. Je ne voulais pas Dieu comme maître dans ma vie. Je ne voulais pas lui rendre gloire. Je ne voulais pas vivre pour lui. J'ai rejeté sa façon d'être justifié ou la grâce. Vivre sur le péché, c'est d'être ennemi de Dieu. C'est une attitude premièrement envers Dieu qui va se manifester par les désobéissances à certains commandements que Dieu a donnés. Mais quand je vais vivre pour la justice, ou que je vais livrer mes membres pour la justice, ça va être le contraire. Je vais être ami de Dieu. J'aime Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Et quand je pêche, je suis triste devant Dieu. Donc, c'est mon attitude envers Dieu. Je ne suis plus son ennemi, Maintenant, je suis son serviteur. Je veux sa gloire. Je veux son règne. Je veux que les gens le connaissent. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas, premièrement, je vais-tu obéir plus ou moins qu'avant aux 10 commandements? Ça, c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on parle. Mmh. OK, donc, c'est... Parce que le péché, c'était de vouloir devenir comme Dieu. Donc, il ne faut pas se tromper, là. Là, on donne gloire à Dieu. Oui. Mmh. C'est pour ça qu'il avait dit au chapitre 5, il avait dit, « Pendant que nous étions ses ennemis. Mmh. » Donc, ça, c'est vivre sur le péché. Ouais. On est des ennemis de Dieu. C'est pas là, j'aime Dieu, je prends plaisir à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu, je prie Dieu, je lis la parole de Dieu parce que je veux connaître Dieu. Et quand j'ai la grâce de Dieu, je parle de lui aux gens. Et là, je tombe dans le péché, dans certaines désobéissances. C'est pas ça, là. OK? Parce que l'autre, lui, il se fout de la gueule de Dieu, il veut rien savoir de Dieu, il fait des bras d'honneur à Dieu, il pêche tant qu'il peut. Puis s'il pêche, il va dire, j'ai eu une belle journée aujourd'hui, j'ai fait des péchés. Il s'en fout carrément. C'est de ça dont on parle ici, là. C'est pas d'un croyant qui lutte contre le péché ou contre la chair. Mm-hmm. On va en revenir au chapitre 7. De ce combat interne chez le croyant. Il est loin de dire, péchons quand on n'est pas sous la loi. Il dit, je reconnais en moi une loi que je ne fais pas toujours ce que je veux. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas tout le temps. Et le mal que je ne voudrais pas faire, des fois, je le fais. Là, on va tomber dans une autre catégorie. Comprenez-vous? Maintenant, pour nous autres ici, il dit au verset 21, « Quel fruit portiez-vous alors? » Le fruit qui parle, là, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quelle sorte de fruit que, quand vous étiez esclave du péché et que vous vous foutiez de la justice, quelle sorte de fruit que vous portiez? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de chez Sauge, c'est la mort. Donc, si je parle de certains péchés que je peux faire, ce serait la mort. C'est ça, là. OK? Si je parle de certains péchés que je peux faire dans ma vie chrétienne, et si je ne comprends pas bien, si j'applique ça à la sanctification, je serais la mort. Pourquoi est-ce que le chrétien pêche et qu'il ne meurt point? C'est parce qu'il n'est pas sous la loi, puis qu'il obéit à l'Évangile, puis qu'il fait de même plante avec Christ, puis qu'il aime Dieu. C'est pour ça que c'est des fruits dont il rougit. C'est pas qu'il veut retourner à ça. C'est quand il pense à ce genre de vie-là qu'il faisait avant, il a honte. Il rougit de ça. Eh bien, il dit, tu ne vas pas vouloir y retourner parce que tu n'es plus sous la loi, voyons. Quand tu penses à ton ancienne vie, en ce qui concerne Dieu. Moi, là, les moments de ma vie que je me souviens quand j'étais sur ma ferme, je me vois encore quand je ferme les yeux, les deux bras dans les airs, en maudissant Dieu, là, en allant chercher mes vaches. Aujourd'hui, j'en ai honte. Quand je disais aux gens que Dieu n'existait pas, Dieu était méchant, Dieu n'était pas bon, s'il y en avait un, si Dieu existait, j'aurais deux mots à y dire, c'était pas des beaux mots. C'est juste ça, c'est des choses dont je rougis aujourd'hui. Là, c'est pas à cause que Dieu me dit, François, tu n'es plus sous la loi. Ah ben, allons-y. Retournons au péché. Allons vivre notre ancienne vie d'avant. Mais là, si c'est ça que tu fais, hein, tu es esclave du péché encore. Ben ouais. Ok, tu es encore esclave du péché. Tu n'as pas donné de plein cœur. Tu n'as pas obéi de plein cœur. Tu t'es pas livré à. Tu étais encore avec l'autre esclave. OK? Tu étais encore avec l'autre maître, je veux dire. Donc, il faut faire attention de bien comprendre que l'auteur est en train de me parler que celui qui a été justifié par la grâce, sans les œuvres de la loi, et qui s'est uni dans la foi à Jésus-Christ, est devenu une même plante avec lui, et qui n'est plus sous la loi, ne va jamais dire « péchons parce qu'on n'est plus sous la loi ». Au contraire, il va prendre tous ses membres pour vivre pour la justice. Ouais. Amen. Et pour la gloire de Dieu. Mm-hmm. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. De où là? Esclave de Dieu. C'est ce qu'on voulait dire tout à l'heure, sainteté, esclave à la justice, c'est la même chose, OK? C'est des synonymes. Vous avez été affranchi de l'esclavage du péché, de votre ancien maître. Maintenant, vous avez un nouveau maître, c'est Dieu. Donc, il dit au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchi de votre ancien maître, vous avez un nouveau maître, qui est Dieu. Uh-huh. Et à cause que vous avez un nouveau maître, qui est Dieu, vous allez employer, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc, ayant votre nouveau maître, vous allez prendre vos corps, vous allez maintenant avoir pour fruit la sainteté et à la fin la vie éternelle. Comme on avait dit, c'était un peu comme tout à l'heure, on avait marqué, vous allez arriver à la sainteté, là, c'est la même, c'est un synonyme ici. Vous allez avoir pour fin la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on n'a pas déjà la vie, mais on va avoir pour fin la vie éternelle d'une façon permanente et continuelle. Mais ici, quand on parle de fruit de la sainteté, le mot sainteté, ici, il faut faire attention. Ce n'est pas, vous ne ferez plus de péché. C'est que maintenant, vous avez pour fruit, vous appartenez à Dieu. Vous marchez avec Dieu. Vous êtes là pour la gloire. C'est ça. À cause que lui, Dieu, il est saint, si on y appartient, on est automatiquement saint. Oui. Puis ça va se montrer dans notre vie que on n'est plus sous l'esclavage de l'autre maître. Donc, notre désir à nous, c'est de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, c'est de marcher pour Dieu, faire connaître Dieu. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Okay? On est avec Dieu, on est dans le camp de Dieu. Tous ceux qui sont avec Dieu sont dans la sainteté. Amen. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, mais sont dans la mort, sont dans le péché, sont dans l'iniquité, sont dans ce sens. Et là, le verset, quand souvent on dit aux inconvertis, ici, il dit « car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Pourquoi est-ce que je ne vais pas me livrer au péché? Pourquoi je vais peut-être me livrer plutôt à l'obéissance pour arriver à la justice? Pourquoi je vais abandonner mon ancien maître pour avoir un autre maître? Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, tout au long de cet argument-là, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'à cause qu'on n'est pas sous la loi, est-ce qu'on peut faire le péché tant qu'on veut? Est-ce qu'on peut se livrer au péché? Remarquez que ceux qui nient l'existence de la loi ou nient l'existence de Dieu qui a donné la loi vont dire il n'y a plus de péché. Le péché n'existe plus. C'est pas vrai. L'enfer n'existe plus. On va sortir parce que vu qu'il n'y a plus de loi pour eux autres, faisons ce qu'on veut, buvons et mangeons, quand demain nous mourrons, il n'y a pas de conséquences. OK? Donc, mais maintenant, je crois que l'argument de Paul est donné à quelqu'un qui vient de comprendre qu'il n'est plus sous la loi à cause qu'il s'est uni au Christ. Et qui dit, vu que je ne suis plus sous la loi, ça n'a pas d'importance de pécher. Là, il dit non, si tu es devenu une même plante avec Christ et que tu n'es plus sous la loi, tu appartiens à un autre maintenant. Ouais. Tu appartiens à Dieu, tu es esclave de Dieu, donc tu ne peux pas te livrer à nouveau au péché. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Donc, le chrétien ou la personne qui dirait, vu que je suis sauvé par grâce, vu que je suis... l'autre jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui disait, mais on est sauvé quand même, François. On est sous la grâce. Mais j'ai dit, si tu prends cela comme ça, comme attitude pour justifier ton péché, que ce n'est pas grave de pécher, je vais t'emmener dans Romains 6. Parce que là, tu es en train de vouloir me justifier de vivre dans le péché à cause que tu es sous la grâce. Tu n'es plus sous la loi. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, si tu as bien compris que tu es devenu une même plante avec le Christ et que tu es maintenant esclave de Dieu, tu vas rougir de cela. Tu vas rougir de cette façon que tu avais de voir la vie avant. Ok, tu vas avoir honte de cette façon de penser. Tu ne vas pas vouloir justifier cela. Parce que celui qui a bien compris la grâce, moi je dis que la plus grande motivation à servir Dieu, ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Ouais. Et c'est tout l'argument de Paul avec Tite, quand il dit « La grâce ne nous pousse-t-elle pas à pratiquer les bonnes œuvres? » Donc, la grâce, plus je suis un gracié, sachant que je méritais la condamnation, plus je vais être zélé pour servir mon Dieu. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul va dire, qui est sous la grâce, il dit, j'ai travaillé avec eux tous, mais non pas moi, celui qui vit en moi, qui est Jésus-Christ. Mais Paul était un de ceux qui a bien compris la grâce, mais en même temps, il est un homme très zélé pour la gloire de Dieu, pour l'Évangile. Donc, c'est important de bien saisir cet argument-là ici. Parce que ça revient plus souvent qu'on pense parmi les croyants, surtout les croyants qui ont accepté l'Évangile seulement en pensant d'éviter l'enfer puis aller au ciel. Ouais. Pendant qu'ils sont ici, ils ont de la misère à comprendre comment vivre ici. Parce qu'ils ne se sont pas unis à Christ par la foi pour vivre pour Dieu ici, mais ils ont cru à l'Évangile pour pouvoir aller au ciel quand ils vont mourir pour éviter l'enfer. Donc, pendant qu'ils sont ici, ils ont de la misère à comprendre quelle sorte de vie ils vont vers. Donc, vu qu'on est sauvé, on peut faire comme on veut. On est certain d'aller au ciel. On a notre billet dans nos poches. C'est gratis. C'est juste par la foi en Jésus-Christ. Donc, j'ai la foi en Jésus-Christ. Je peux faire ce que je veux ici. C'est pas grave. Là, tu parles comme quelqu'un qui n'a pas compris la règle de doctrine. Qui est encore esclave de l'Esprit. Il n'a pas compris la règle de doctrine. Il n'a pas compris que il a obéi à la foi pour devenir une même plante avec Christ et vivre pour Dieu ici. Bon. OK? Donc, mais il faut faire attention. Il ne faut pas penser maintenant que si je suis un chrétien, je vais adopter une vie religieuse. Par vie religieuse, je parle plutôt de faut pas que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je vais reprendre les 10 commandements, je vais essayer de les obéir. Je vais vous dire, ben franchement, vous ne réussirez pas plus qu'avant. Moi, je vous dis, en tout cas, si vous réussissez, vous me donnez votre recette. C'est que mon attitude envers les 10 commandements a changé. Je sais qu'ils ne sont pas là pour me justifier. Je ne deviendrai jamais plus juste. Jamais. Et ma chair, elle, veut juste une chose, c'est se vautrer dans le péché et ne pas faire les 10 commandements. Okay? Donc, il faut faire attention de bien comprendre. Parce que des fois, le croyant qui a cru en Jésus-Christ va... mes péchés que je faisais me méritaient l'enfer, donc maintenant, je m'en vais au ciel, je vais essayer de ne pas les faire. Ça, c'est juste avoir changé de religion, là, de ce que ça fait. Ouais. OK? Mais Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ayant changé de nature, m'étant affilié à Jésus-Christ, ayant devenu une même plante avec Jésus-Christ, les 10 commandements, dans ma tête, ça va devenir secondaire. C'est pas quelque chose qui va... C'est pas ça ma mesure maintenant. C'est pas ça ma norme maintenant. C'est pas ça mon but dans la vie, c'est d'essayer c'est de faire un peu moins de péché. C'est pas notre focus. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus notre... C'est pas ça ma motivation, mon... Comment je dirais? Mon... Mon but. Non, pas mon but. C'est pas ça ma... Ce qui va me restreindre. OK? C'est pas... C'est pas le... C'est pas... Ah, oh, il y a une police, il faut que je modère. Vite, paye sur le break, paye sur le break. Mm-hmm. OK. C'est pas ça qui va me faire modérer. C'est plutôt, je risque de faire un accident et de blesser quelqu'un, je vais modérer. Okay? Mm. C'est ma nouvelle façon de percevoir la vie qui va m'emmener à modérer. C'est pas le stop qui va m'emmener à modérer. C'est mon amour pour Dieu qui va m'emmener à vouloir plaire à Dieu, ou marcher avec Dieu, ou glorifier Dieu, ou reconnaître la grandeur de Dieu. C'est mon changement de nature qui devient ma motivation. Vous vous souvenez, dans Hébreu, il dit « La loi a été écrite sur des tables de pierre. Et elle donnait de la motivation et elle mettait des restrictions dans la vie des gens. C'était le barème qu'il y avait. Mais il dit, maintenant, j'ai écrit ma loi dans leur cœur. Ça va être à l'intérieur qui va être... c'est l'intérieur qui va devenir la motivation ou les restrictions. C'est de là que ça va venir. J'ai pas besoin d'avoir les 10 commandements devant moi, hein? Mais c'est mon cœur qui va maintenant conduire ma vie par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Mais j'ai changé de nature. Ouais. Donc, même si tu enlevais les 10 commandements, je n'irais pas plus dans le péché. Je suis devenu esclave d'un autre de plein gré. Je suis devenu ami de Dieu. Je suis devenu d'ennemi que j'étais. Je suis devenu son ami. Je suis devenu son adorateur. Je suis devenu son esclave. Donc, moi, je dis, la grande chose, c'est que, on pourrait dire, celui qui devient un enfant de Dieu, si je peux appeler cette image-là, parce que vous êtes encore faible dans la chair. C'est où le piton, là? Comment se passe ça que l'Internet n'a pas coupé, là? Oh, ouais, c'est ça. T'sais, quand je me lève le matin, là, c'est pas que j'ai besoin de loi pour guider ma journée. Ben non, c'est ça. C'est que je lève mes yeux vers Dieu et c'est « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? » Oui, on est... L'attitude est complètement différente que... Ouais. Ben là, il faut faire attention. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire de péché. Je vais essayer de ne pas, ouais, pas faire ci, de ne pas faire ça. Vous voyez la différence, hein? Oh, oui, c'est dans le cœur. C'est de l'intérieur. J'ai de plein cœur, j'ai pris une décision d'obéir à la règle de doctrine, de devenir un esclave de Dieu. Et chaque matin, chaque instant de ma vie, l'attitude de ce nouveau François-là, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour toi? » C'est ça qui veut. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat avec la chair. On va en venir un peu plus loin de ça. Mais on va en parler au chapitre 8, quand il va dire « Je soupire ». J'ai un soupir constant dans le croyant d'être délivré de ce corps de mort. Voyez-vous la différence? C'est dans mon âme intérieur, je rêve du jour où ce que je ne pêcherai plus. C'est pas oh, je ne suis plus sous la loi. Yes, allons-y, pêchons de plein front. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Donc, c'est une grosse différence entre les deux, entre l'attitude du croyant et de l'incroyant. OK? On n'est pas branché à la même source. Hein? Voilà. Donc, on n'est pas à la même... branché, c'est le mot. Si je suis branché à de l'eau amère, je vais produire de l'eau amère. Si je suis branché à de l'eau pure, je vais produire de... Le dit de l'autre façon, avec, si tu es un arbre qui est un bon arbre, tu vas porter des bons fruits. Si tu es un mauvais arbre, tu vas porter des mauvais fruits. Donc, nous, on est décidé de devenir un bon arbre. Donc, on va produire des bons fruits. Par la grâce de Dieu. par la grâce, et par la, oui, comme tu dis bien, par la grâce de Dieu. Il faut faire attention que les bons fruits, ce n'est pas, c'est sûr que je vais faire moins de péchés, mais alors j'en ferai plus. C'est pas ça dont ça parle. C'est pas ça. Je ne vais plus voir l'âge. Je ne vais plus avoir les mêmes désirs, les mêmes pensées, les mêmes... La chair va avoir encore les mêmes. Mais mon être intérieur qui est maintenant uni au Christ. C'est ça qu'il va dire un peu plus loin. Dans l'être intérieur, là, il va parler de cette partie de moi qui a été régénérée, qui a été unie au Christ. Dans mon être intérieur, j'ai des désirs que je n'avais pas avant. Mais dans... il met encore quelque chose en moi, hein? Qui fait que je veux encore pécher. Est-ce qu'on est revenu? Tu disais qu'il y a encore quelque chose... Oui, tu disais qu'il y a encore quelque chose en toi. En moi, qui me pousse à pécher. Mm-hmm. Mais je suis assez transformé par la grâce de Dieu pour admettre qu'il y a quelque chose en moi qui veut encore le pécher. Ouais. Puis que j'aimerais... C'est pour ça qu'il va dire, juste après avoir dit ça, il va dire... Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui, finalement, va me délivrer de la situation dans laquelle je suis encore? Grâce soit rendue à Dieu. Qui va me délivrer par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Ça, c'est l'attitude du croyant. C'est pas, moi, je suis un bon chrétien, je fais quasiment plus de péché, puis je regarde pas ci, puis je fais pas ça, puis je compte pas de mentir, puis je suis juste dans mes rapports d'impôts, puis je fais pas de ci. Puis je... Celui qui parle de même, il n'a pas compris. Pas compris encore que le chrétien lui crie qui va me délivrer de ce corps de mort dans lequel je suis encore. Ça, c'est l'attitude du croyant. C'est pas je suis devenu une bonne personne à ce stade, je suis un chrétien, là, je suis correct. Là. Non, non. Et ces réponses, les réponses qu'il vient de donner sont pour répondre à ces deux questions-là. Donc, faut bien comprendre ça. Ce n'est pas là pour aider le croyant à faire moins de péchés dans sa vie. OK? C'est ça qu'il faut bien saisir, je crois. Mais si Paul il a écrit ça à l'Église à Rome, il doit avoir su quelque chose peut-être qui se passait là-bas où il y avait des questionnements de certaines personnes dans l'Église. Ou... Je crois que Paul a compris ou a su où il a vu, en parlant avec certains d'entre eux autres, parce que vous vous souvenez qu'il est venu, il est venu en lien avec deux personnes qui venaient de Rome? OK. Il y a un couple qui est venu de Rome travailler avec lui, qui était des chrétiens. Je ne me souviens plus. Qui faisait des tentes avec lui. Ouais. Okay. Priscille, Aquila. Priscille et Aquila. Ouais, c'est ça. Hein? Les Juifs de Rome, qui étaient sortis de Rome, puis s'étaient joints à Paul. Donc, en parlant avec eux autres, je ne suis pas surpris qu'il aurait dit, hop, il manque un peu de... manque un peu de connaissances, là. Il aurait besoin de comprendre mieux les effets d'être justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pour moi, c'est que... Je crois que c'est... Ce que je pourrais dire... C'est que Paul a vu d'une façon quelconque, parce qu'il dit au chapitre 1, jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 15, « J'ai un vif désir d'aller vers vous et vous annoncer à vous autres aussi l'Évangile. » Oui. Donc, je crois que Paul, étant responsable des Juifs ou des païens, je veux dire, à Rome et partout ailleurs, il voyait sa responsabilité d'amener une bonne compréhension d'Évangile à tout ce monde-là. Donc, pas juste l'Évangile, comment faire pour être sauvé, mais toutes ces ramifications à tout comprendre. Ouais. Ça. Donc, je crois que Paul était en constant communication avec toutes sortes de chrétiens qui venaient d'un peu partout, d'une église à l'autre. Ouais. Ça ne me surprendrait pas qu'il y aurait eu des informations, puis de se dire. Puis même, je pense qu'il aurait pu juste présupposer que si lui n'était pas allé à Rome, mais il manquait d'informations. Mm-hmm. Okay, donc, c'était des jeunes églises qui avaient une vingtaine d'années, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Est-ce que les apôtres étaient allés à Rome? Peut-être que non. Donc, comment est-ce qu'ils auraient pu savoir? Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis, c'était comme sous-entendu que des enfants de 15 ans Ben, il y a certaines choses qu'ils ne savent pas en mathématiques ou en histoire ou de tout. Donc, je prends comme acquis que je peux leur en montrer parce qu'ils ont juste 15 ans. Donc, je crois que c'est un peu la même chose avec les chrétiens de Rome. Ils avaient besoin de savoir, Paul le savait. Et il leur parle de cela. OK, il est déjà 8 heures. Oui. Je vais demander à Daniel s'il voudrait prier. Seigneur Dieu, on te rend grâce, on te remercie de ce que ta parole nous instruit chaque jour. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Merci pour que tu permets qu'on étudie ensemble. Merci de nous faire grandir dans la foi par la connaissance de ta parole qui est précieuse, qui est juste. C'est la vérité. Merci Seigneur de nous enseigner avec François. Merci que tu nous as donné ton esprit qui nous convainc, qui nous fait grandir, qui nous instruit et qui nous pousse à faire tes œuvres à toi, Seigneur, pour ta gloire à toi. Oui. Sois loué. Amen. Amen. Amen. Amen.